reste cohérent, mais j'suis pas comme un gros nuage de cohérence. Si ça me dérange, j'mets pas un goéland. Parce que j'garde le bon élan, j'garde le pas en m'en allant. J'suis le sens du vent, mais des fois ça mène au torrent. En autant qu'il y a d'autres rimes, pas d'autres crimes ou d'autres frimes. Mes textes sont intimes, j'ai pas besoin d'être anonyme. Pis dans quoi j'ai mes racines, c'est ancré à l'homme de chine. Comme un junkie à l'héroïne. Moi je suis à l'anécume, quand j'ai le bois j'décline. Puis je sors au crayon mine, pour le rap, j'sors les pins. Fait que j'taquine les gamines, c'est à coup de carabine que j'arrive dans l'estime. J'suis comme une vitamine, parce que toi la t'exprime. J'pourrais faire des oh oh oh passage rap so oh oh oh oh. Pourtant ça sonne fat, check la oh oh oh oh. On est pas dans un clip so oh oh oh oh. Let's spin the music. J'fais ma chute clarinette, beat pas de clarinette. Juste des rhymes short et sec. Amène les majorettes. Represent sans trompette, sans tomber, faut être prête. Il faut qu'au match te plaît. Pour le rap, c'est l'étiquette. Ça l'avance dans tous les sens quand le beat s'annonce. Comment j'fonce pour que les real heads défoncent. Les sourcils froncent, mais pas quand les chicks y dansent. Suis mon flow, suis le pas en autant que tu penses. Faut que mon rap dépasse tes tonnes. Impressionne les tonnes de connes. Un fun avec des cochonnes, même si trip c'est Pokémon. Pis y'a des filles qui se frottent, qui se collent sur des gars à pinch. T'es pitch, une coupe de disques, tu resteras toujours une pitch. J'pourrais faire des oh oh oh passage rap so oh oh oh oh. Pourtant ça sonne fat, check la oh oh oh oh. On est pas dans un clip so oh oh oh oh. Let's spin the music. Pour une musique toxique, talk shit, c'est mauvais shit. Les MC récites qui kick, mais je les kick encore plus vite. Ça te provoque le vos vite, fais attention au mal de vente. Y'en a trop qui se vendent, fait qu'y'en a trop qui se planquent. J'prends la gang de poseurs qui se voient sur des posters, qui taguent sur des post-it, pis qui restent losers. Ça prend des battes de base, puis ça se rend des smokes de butch. Ça prend des patchs de vide, mais y'en a gros qui sont en poche. Ça part de faire de la roche, mais le mal veut pas qu'ils sortent. Ça prend des sacs de moche pour sortir de la news qui fuck. Ça pète une coupe de dish, comme quoi que flou y miss. Pis ça se moque des miss de piss, pis y'a pas la poche qui plisse. J'pourrais faire des oh oh oh passage rap so oh oh oh oh. Pourtant ça sonne fat, check la oh oh oh oh. On est pas dans un clip so oh oh oh oh. Let's spin the music.